rupture au tort de l'employeur et indemnité chômage. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient. Dans ce cas, les juges peuvent ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés.